Sous une lumière blafarde court, danser se tord sans raison. La vie impudente et criarde. Aussi, sitôt qu'à l'horizon la nuit voluptueuse monte, apaisant tout même la faim.